Viribus unitis, par des forces unies. Telle était, mesdames et messieurs, la devise personnelle que l'empereur François-Joseph s'était attribuée lui-même. Et pour mieux souligner l'importance et la solennité de son engagement, il a désiré intégrer cette devise dans le graphisme de ses armes. De toute façon, c'est un très grand souverain, vous le savez, qui dirigea d'une poigne de fer un empire polymorphe avec ses 21 nationalités et qui avait compris très tôt, beaucoup plus et beaucoup mieux que beaucoup d'autres, l'importance des alliances dans toute construction politique. « Donnez-moi un héros », disait Shakespeare lorsqu'il rédigeait Hamlet. « Donnez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie ». Fin de citation. Il est arrivé que cette tragédie devienne une tragédie grecque lorsque le héros meurt à la fin. Et notre héros, le voici, c'est Maximilian, jeune frère cadet de François-Joseph. Il a 2 ans de moins que lui. Il est né à Schönbrunn le 6 juillet 1832 et il est le second fils donc de l'archiduc d'Autriche, Franz Karl, et de Sophie de Bavière, une Wittelsbach, ce que je vous demande de noter soigneusement car il va hériter du caractère Wittelsbach que nous allons décortiquer au fil de ce récit. Il est un peu le préféré de sa mère, Maximilian, parce que il est plus grand, il est plus beau, il est plus brillant dans les salons que son frère aîné François-Joseph, mais il est aussi beaucoup plus superficiel, beaucoup plus vulnérable, il est beaucoup plus fragile. Il est mal dans sa peau, disons-le carrément, il est très contrarié de n'être que le cadet. Il aurait tellement aimé être l'aîné, mais il est privé du droit d'aînesse par le principe intangible de l'accession au trône selon le principe de la primogéniture. Et il est donc relégué en tant qu'archiduc à la 2e place, ce qui ne lui convient pas du tout. Ils sont 4 frères. Vous le voyez, Maximilian, derrière le canapé. Vous notez tout de suite que même entre frères, dans cette cour d'Autriche, dont l'étiquette est d'une très grande rigidité, lorsque l'empereur est assis, eh bien, même ses frères sont debout. On aurait pu les imaginer assis tous les 4 autour d'une tasse de thé. Ce n'est pas le cas. Maximilien est donc derrière le canapé. À gauche, vous avez Karl qui sera le grand-père de Charles Ier. Et à l'extrême droite, vous avez le Ludwig Victor qui est le petit dernier. Ces 4 frères sont 4 conquérants, 4 jeunes princes surdoués, qui sont persuadés qu'ils sont promis tous les 4 à un très grand destin. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette Autriche post-méternichienne, qui est la grande vainqueur du congrès de Vienne et de la fin des guerres napoléoniennes, l'Autriche triomphe partout, sur toutes les scènes principalement de l'Europe, à telle enseigne qu'elle clame « Urbi et Orbi » que « Alles Erzreich ist Österreich untertan », ce qui signifie « l'Autriche a vocation de régner sur le monde entier ». Maximilien rêve d'un trône et il est très impatient d'accéder à des fonctions davantage dignes de lui. Malheureusement, ça n'ira pas tout de suite. Il va d'abord épouser la jeune Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha, qui est la petite-fille de Louis-Philippe. C'est la fille du roi des Belges et de Louise-Marie, qui était la propre fille de Louis-Philippe. Nous allons regarder pendant quelques minutes, en faisant un tout petit peu de morphopsychologie, la photographie de ce jeune couple qui est très révélatrice de leur caractère. Regardez Charlotte, qui est toute jeune, mais elle a un visage extrêmement volontaire, que l'on pourrait croire sculpté dans le marbre. Elle a un profil qui est tranchant comme une étrave. Alors qu'à côté d'elle, regardez Maximilien, qui est un peu dégingandé avec cette démarche nonchalante des adolescents un peu attardés. Et comme sur cette photo, il est débarrassé de sa grande barbe et de ses favoris, nous voyons mieux le tendre modelé de son menton qui n'a pas encore la rigidité virile que connaît tout homme après avoir traversé beaucoup d'épreuves. François-Joseph va faciliter l'accession de Maximilien à un trône, d'abord parce que les relations entre les deux frères ne sont pas toujours faciles, pour toutes les raisons que je vous ai dites, et ensuite parce que tout de même il fait ce qu'il peut pour l'aider. On va donc le nommer vice-roi du petit royaume de Lombardie-Vénétie, et accessoirement, pas amiral, parce qu'il n'a jamais navigué, mais chef de la marine militaire de l'Autriche. Et Maximilien va immédiatement imaginer un grand palais, le palais qu'il estime digne de lui et qu'il va faire construire. Et qui, là encore, vous donnera les dernières informations sur son caractère que peut-être vous cherchez. Vous voyez ce magnifique projet d'un romantisme exacerbé, qui fait penser d'ailleurs au château de Louis II, comme par exemple Neuschwanstein en Bavière, Louis II et son cousin. Mais regardez ces façades tourmentées, regardez cette exubérance de la pierre, regardez la majesté écrasante de ce donjon qui symbolise l'autorité du souverain sur ses sujets. Et puis tout en bas et à droite, vous allez voir une silhouette qui est aussi celle de Maximilien, qui l'a transposée dans une sorte de rêve éveillé. C'est un espèce de Poséidon moderne qui, de ses grands bras, comme un chef d'orchestre, semble régner sur les mers et sur les océans. C'est un décor qui conviendrait tout à fait à un opéra de Wagner. Il a été construit, ce palais, le voici, sous une forme un petit peu plus sobre que celle qui avait été prévue. Pardon. Et eh bien, nous allons nous éloigner des rivages riants de l'Adriatique pour que Maximilien puisse rejoindre son destin mexicain. Mais, au fait, pourquoi le Mexique ? Le Mexique est indépendant depuis 1821. Et depuis cette date, il vit dans un désordre politique chronique. Songez que 50 gouvernements se sont succédés en 40 ans, ce qui est un record, je crois, rarement battu. Et profitant de la faiblesse dans laquelle il se trouve, les États-Unis voisins vont s'emparer des États frontaliers de manière à ce que l'Amérique puisse agrandir son précaré, et elles vont commencer à dépecer la partie nord du Mexique. Ce sera d'abord le Texas, qui est un des plus grands États encore actuellement des États-Unis, plus de 5 fois la France. Le Nouveau-Mexique, le sud de l'Arizona et la Californie. Et ce dépeçage s'est effectué tantôt par des transactions financières, tantôt par des conquêtes militaires. Mais en décembre 1861, l'Indien libéral Benito Juárez prend le pouvoir, il renverse le gouvernement en place et le voilà à la tête du Mexique. Vous, là encore, regardez rapidement son visage, basané avec ce regard perçant, c'est un Indien. On l'imaginerait tout à fait avec une grande coiffe de plumes comme Geronimo ou Sitting Bull, ces grands chefs indiens du Far West. Ça vous fait rire, mais comme eux, il est courageux, il est matois, il est persévérant et surtout, à certains moments, il est implacable. Et c'est un homme d'un très grand courage. À telle enseigne que la première décision qu'il va prendre, c'est de suspendre le paiement des dettes que son pays a contractées avant lui à l'Europe. L'Europe, naturellement, est le coffre, l'Europe est le coffre-fort du monde à cette époque. Donc, il y a une dette importante. Il décide que c'est vraiment pas la peine de la rembourser. Les puissances créancières qui sont la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et quelques autres vont crier comme des bêtes blessées, se réunir et décider de faire une expédition punitive au Mexique pour faire rendre gorge aux débiteurs indélicats. Et c'est ainsi que tout a commencé. Leur créance, leur ardoise se monte à 270 millions de francs. Donc nous sommes en décembre 1861, un corps expéditionnaire commun débarque à Veracruz. Et il y a dans ce corps expéditionnaire 2500 Français, 6000 Espagnols et quelques autres. Et à Paris, tout le monde va s'enflammer pour ce débarquement, à commencer par l'empereur Napoléon III, qui lui a une vision politique et même géopolitique beaucoup plus planétaire et qui va envisager tout de suite de créer au Mexique une espèce de protectorat de la France. Car, bien sûr, ne dit-on pas que le Mexique regorge d'or et d'argent, qu'il y a de nombreuses mines, c'est peut-être un nouvel Eldorado. D'autre part, Napoléon III voudrait créer un empire sur le flanc de l'empire des États-Unis et... comment dirais-je, empêcher les États-Unis de grandir, ou en tout cas constituer une espèce de contrepoids. Et il va donner au général Forêt, qui commande le corps expéditionnaire français, les instructions très précises en ce sens, avec une feuille de route très détaillée qui est très intéressante à lire. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous l'infliger, mais je vous lis seulement la dernière phrase qui la résume. « Si le Mexique conserve son indépendance et maintient l'intégrité de son territoire avec l'assistance de la France, nous créerons ainsi des débouchés immense à notre commerce et le Mexique nous procurera les matières premières indispensables à notre industrie. » Voici donc la raison profonde de la présence française prolongée au Mexique. Alors autour de lui, l'impératrice Eugénie va également s'enflammer très vite. D'abord, elle a auprès d'elle un de ses amis d'enfance qu'elle a retrouvé, qui est un diplomate mexicain, il s'appelle Hidalgo, et naturellement lui-même va la chauffer, révérence parlée, pour qu'elle décide elle-même, son impérial époux, à donner le maximum d'ampleur à la présence française au Mexique. Et puis elle-même, mon Dieu, elle est la fille de Don Cipriano de Porto Carrero, le sang espagnol coule dans ses veines, son ancêtre Cortés a déjà conquis le Mexique en 1519, c'est une nouvelle aventure qui commence, et même Rouher, un des ministres les plus imposants, de Napoléon III, va appeler ce projet la grande pensée du siècle. Donc, les puissances étrangères qui se trouvent au Mexique font rendre gorge à leur débiteur indélicat, et tout le monde se rembarque, sauf la France, qui va non seulement rester, mais faire venir d'autres troupes jusqu'à concurrence de 50 000 hommes un peu plus tard. La France a de la chance à cette époque. Pourquoi ? Parce que le puissant voisin, les États-Unis, est englué dans la guerre de sécession, qui, comme vous le savez, a été une guerre extrêmement sanguinaire, comme toutes les guerres civiles. Et Abraham Lincoln, qui en est le président, voit d'un œil très désapprobateur cette expédition, d'autant que il a toujours présent à l'esprit la déclaration de Monroe, qui est encore aujourd'hui tout à fait en vigueur aux États-Unis. Le président Monroe avait dit en 1823 que aucune puissance étrangère ne devait être tolérée et ne devait venir empiéter sur le pré carré des États-Unis. On pourrait résumer ceci par la formule « l'Amérique aux Américains ». Donc c'est un petit peu une entorse, et le président Lincoln est tout à fait mécontent de cette intrusion. Alors la France, maladroitement, va prendre le parti des confédérés du Sud. Et le général Forêt va prendre langue avec un délégué, une espèce de chargé d'affaires du Sud qui s'appelle Slidell, pour conclure une espèce d'alliance économique et un petit peu politique au-delà. Et l'impératrice Eugénie va alors pousser l'empereur Napoléon III dans le sens de la restauration ou de l'instauration d'un régime au Mexique ayant à sa tête un prince européen et catholique. Ce sont les caractéristiques du futur impétrant. Il faut qu'il soit d'un pays européen et qu'il soit catholique. On va donc commencer à chercher un prince européen et catholique. L'empereur Napoléon III également veut, par-delà tous ses projets, vous voyez qu'il y en avait un faisceau quand même important, renouer ses alliances du passé qui date de Louis XV et de Choiseul. On vous en a abondamment parlé ce matin, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais naturellement ces fils ont été rompus par la parenthèse de la Révolution française et du Premier Empire. Il est donc important de renouer une alliance avec l'Autriche qui avait signé avec nous un traité de défense, un traité d'assistance défensive qu'il importe d'étoffer. Les deux empereurs sont un peu en froid. Ils se sont naturellement affrontés à Magenta et Solferino, mais ils vont se retrouver à Villafranca. On vous en a parlé tout à l'heure. Voici l'empereur François-Joseph. Mon Dieu, à Villafranca, nous sommes le 11 juillet 1859. Ils se disent bonjour du bout des lèvres et ils se serrent la main du bout des doigts, mais ils ont perçu aussi l'un et l'autre, parce qu'ils ont un sens politique aigu. Ils ont bien commencé à percevoir les ambitions militaires de Bismarck. Et tout de même, ils commencent à réfléchir chacun de leur côté, mais aussi à en parler. Ils sont entourés aussi de ce que j'appellerais un cocon de persuasion, c'est-à-dire des diplomates ou des ministres qui sont tous de chauds partisans de cette opération et qui vont tous et chacun contribuer petit à petit à les persuader. Alors qui sont ces mentors qui vont un petit peu continuer et terminer de décider Napoléon III? Il y a d'abord l'ambassadeur Alexandre Hübner, ambassadeur de Vienne à Paris, un diplomate de très haut niveau, et il cédera sa place quelques années plus tard à Richard de Metternich, dont on vous a parlé tout à l'heure, le fils du grand diplomate de Vienne, qui fut aussi un excellent diplomate et ambassadeur, mais surtout son épouse, la charmante et ravissante Pauline de Metternich, qui parlait un français excellent. Elle disait d'elle-même « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». Fin de citation. Et elle méritait bien, vous en conviendrez, d'être immortalisée par le pinceau de Winterhalter. Et elle va devenir très rapidement la coqueluche et l'ornement de tous les bals de la cour aux Tuileries, de toutes les séries de Compiègne, à telle enseigne que pour la dernière série, celle de novembre 1869, l'impératrice Eugénie va la désigner comme maîtresse de cérémonie au bras de l'empereur Napoléon III. Elle a présidé toutes les festivités, plutôt qu'une de ces dames d'honneur, ce qui était quand même une marque d'estime et d'amitié immense, parce que Eugénie avait été invitée par son cousin Ferdinand de Lesseps pardon, à l'inauguration du canal de Suez à Alexandrie. Il y a aussi Édouard Drouin de Louis, un de nos plus grands diplomates et ministres des Affaires étrangères de tous les temps, peut-être le plus grand, après Talleyrand tout de même, s'il vous plaît. Lui-même, il a participé aux préparatifs de la guerre de Crimée, par exemple. Il a eu un rôle très important déjà. Et songez que Napoléon III avait une confiance immense en lui, car il l'avait nommé ministre des Affaires étrangères dès février 1848, c'est-à-dire sous la Deuxième République, à l'époque où le futur Napoléon III n'était encore que le prince président de la Nouvelle République. De même, en sens inverse, à Vienne, le duc de Gramont, ambassadeur de France, fut un chaud partisan de ce projet. Ainsi, entre l'impératrice Eugénie, les différents diplomates, les ambassadeurs, Napoléon III s'est trouvé pris dans un espèce de tourbillon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas exercé son libre arbitre, mais je veux dire simplement que ça a contribué à créer ce courant positif pour une expédition au Mexique. Tout de même, il était important que les Mexicains eux-mêmes se manifestassent et donnassent leur avis et vinssent peut-être prendre langue avec le futur empereur, car après plusieurs candidats, il y en a eu au moins 5 dans l'avant-dernière sélection. Si ça vous intéresse de connaître les noms, vous n'avez qu'à me poser la question tout à l'heure pendant la séquence question. Et c'est finalement Maximilien qui a été retenu, car il réglait un triple problème. Lui-même obtenait un trône. Deuxièmement, il permettait de mettre sur le trône du Mexique un prince catholique et européen. Et troisièmement, il resserrait les liens de cette alliance malencontreusement interrompue que tout le monde espérait revitaliser. Donc nous sommes en octobre 1863, les opposants à Juarez, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Regencia de Mexico, viennent en grande pompe, en grand équipage, vous le voyez, et avec à leur tête Gutiérrez Estrada, ils viennent offrir à Maximilien le trône. Maximilien se fait un petit peu prier, il est obligé de régler un certain nombre de problèmes qui ont donné lieu à ce qu'on appellera la Convention de Miramar. C'est à la fois un traité familial, traité avec son frère, car François-Joseph va exiger qu'il renonçât à ses droits éventuels sur le trône de Vienne, car n'oubliez pas que Maximilien venait en troisième position dans l'ordre de succession au trône, après François-Joseph et son fils Rudolf, qui est très jeune, il a 6 ans à ce moment-là, puisqu'il est né en 1858, mais s'il venait à disparaître tous les deux, dans la conjoncture actuelle, ce serait Maximilien qui monterait sur le trône. Or, on ne peut pas lui demander, à partir du moment où il sera empereur sur un autre trône, d'être écartelé entre deux empires. Donc François-Joseph exige qu'il renonce à ses droits sur la couronne d'Autriche. Donc, Napoléon III, lui, s'engage à laisser un corps expéditionnaire d'au moins 20 000 hommes au Mexique jusqu'à la fin 1866. Et puis, comme Maximilien n'a pas un sou, avant de partir au Mexique, il va contracter un emprunt de 500 millions de pesos mexicains, ce qui fait environ 2,5 milliards de francs, qu'il s'engage à rembourser. Mais il prend des engagements qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir, car il part au Mexique, ça y est, et il s'engage à rembourser, d'une part, cet emprunt dont je viens de vous parler, plus tous les frais de l'expédition initiale envoyée par l'armée française, plus tous les frais de l'entretien d'une armée de 50 000 hommes au jour le jour sur le sol mexicain, plus les bons, ce qu'on appelle les bons jequer, du nom du banquier qui servait d'interface et qui sont le reliquat de la dette de la France. Il est proclamé et auto-élu, appelons-le comme ça, empereur du Mexique. Nous sommes le 14 avril 1864 à Miramar. Le voilà dans, en grand arroi, le nouvel empereur. Il s'embarque et avec sa jeune épouse, il débarque à Veracruz. Il gagne Mexico. Voici Mexico, le palais de Chapultepec, qui est encore aujourd'hui la résidence des chefs de l'État du Mexique. Au-dessus, au bord du rio Moctezuma, vous voyez le cours d'eau qui est juste au-dessus de ce palais. Et puis au fond, vous voyez Mexico, bien entendu. C'est une photo récente, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de photographie en couleur, il n'y avait pas non plus de gratte-ciel. À l'époque, Mexico, qui est une petite vieille ville qui a été fondée par les Aztèques en 1345, est très très sale, très vieillotte, 25 000 habitants à tout casser, et non pas 25 millions d'habitants comme aujourd'hui où elle est devenue la troisième capitale mondiale. À cette époque, elle ressemble un peu au vieux Paris d'avant Haussmann. Et tout de suite, Maximilien va être aux prises avec des problèmes qui sont importants. La situation militaire est très mauvaise. Le général Forêt a cédé la place au général Bazaine, qui aura été ensuite nommé maréchal immédiatement par Napoléon III. Et les données du problème sont les suivantes. D'abord, l'armée française se bat contre une armée de partisans. Et chaque fois qu'une armée régulière dans un pays hostile se bat contre une armée de partisans qui est, lui, bien insérée dans la population, ce sont les partisans qui l'emportent. Souvenez-vous, par exemple, la guerre d'Espagne en 1809, ce qui signifie que l'armée française se déplace en lourd convoi au fond des vallées, sur les mauvaises routes, avec l'artillerie lourde, tous les impédiments d'une armée en campagne parce qu'elle ne peut pas vivre sur l'habitant qui est hostile. Alors que les partisans, eux, ont des bases arrières, et Juarez, très habilement, à constituer des brigades légères à cheval qui vont d'abord bombarder ou tout au moins canarder, si vous me permettez cette expression militaire, les convois qui sont dans les vallées, puis ensuite ils descendent avec leurs petits chevaux en poussant des grands cris. Ça se passe tout à fait comme dans les westerns que vous avez vus. Vous pouvez imaginer la scène. Et lorsqu'ils ont tué le maximum de soldats et incendié le maximum de chariots, eh bien ils s'égaillent dans la nature comme une volée de moineaux. Les jeunes souverains qui débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils comprennent tout de suite que leur autorité ne peut reposer que sur la présence de l'armée française. Ensuite, comme ils ne peuvent se déplacer que sous une importante escorte, ils ne prennent jamais de bain de foule. Ils n'approchent pas le peuple ne les connaît pas. Et ils pensaient qu'on les accueillerait comme des libérateurs. Or, on les accueille comme des envahisseurs. De plus, ils comprennent le profil sociologique du Mexique dans ce pays, à cette époque. Il n'y a pas d'aristocratie, il n'y a pas de classe moyenne, il y a un prolétariat rural qui est constitué de paysans illettrés, de vaqueros, de peones, de gardiens, de troupeaux de vaches qui vivent d'expédients et de rapines. Et vous comprenez bien que ces jeunes princes se trouvent complètement dépaysés. Eux, ils ont grandi dans les palais confortables de la Hofburg et de l'Aiken. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que les fêtes brillantes, les bals de l'empereur, les feux d'artifice dans le parc de Schönbrunn. Rendez-vous compte des années-lumière qui séparent ces nouveaux souverains avec ce vieux peuple. Et partout où l'armée française est absente, l'armée de Juarez, qui va étoffer petit à petit son armée et à partir d'une bande de partisans constituée progressivement avec beaucoup de talent, une armée républicaine disciplinée et efficace, l'armée française va se trouver affaiblie de plus en plus et le jeune prince vont vivre une véritable descente aux enfers. Tout de même, Maximilien voudrait bien que l'Autriche participe à cette opération et il va aller frapper à la porte de l'Hofburg et il va demander à son frère un contingent et François-Joseph va lui envoyer 6000 hommes. Mais cette guerre n'est pas du tout populaire en Autriche. Le fils de Joseph Hübner, que je vous ai cité tout à l'heure, a 20 ans, il rêve d'en découdre et il veut s'engager pour aller se battre au Mexique. Et Hübner lui répond, mon fils, il n'y a vraiment aucune raison pour que vous risquiez votre vie pour un tas de singes mexicains dans un pays où vous n'aurez rien d'autre à espérer que l'ingratitude, les intrigues et la fièvre jaune. Et ne parlons plus de cette idée. Et sur ces entrefaites, le temps passe, la roue de l'histoire tourne et une catastrophe va se produire pour Maximilien. C'est la fin de la guerre de sécession. Nous sommes en 1865, les nordistes l'emportent, vous le savez, le général Lee et le général Grant se réconcilient, Abraham Lincoln est assassiné et conformément au terme de la Constitution américaine, c'est son vice-président Andrew Johnson, que vous voyez, qui devient le président. Alors lui, il est farouchement anti-français, il exhume immédiatement cette fameuse déclaration de Monroe, il va en sous-main soutenir Juarez en lui envoyant des troupes, des armes, de l'argent, des cadres instructeurs pour qu'il puisse faire progresser et former le plus rapidement possible son armée. Et le malheureux Maximilien va subir cet état de fait. De plus, Juarez va nommer un ambassadeur auprès de l'Empire mexicain, mais pas auprès de Maximilien, hein, auprès de Juarez. Donc vous vous rendez compte du camouflet pour ce pauvre Maximilien. Et donc la situation se dégrade très rapidement et Maximilien se rend compte que elle ne peut que aboutir à une catastrophe. Donc lui-même ne veut pas et ne peut pas, et il a bien raison, quitter le Mexique, mais il va envoyer son épouse, l'impératrice Charlotte, qui est une femme courageuse et volontaire, s'embarque pour aller demander à Napoléon III des troupes supplémentaires et des subsides supplémentaires. Elle ne sait certainement pas que Napoléon III est déjà excédé de voir que Maximilien ne paye pas ses mensualités ou ses annuités et qu'au contraire, il lui redemande constamment de l'argent parce que les caisses du Mexique sont à sec, les impôts ne rentrent pas, l'administration est inefficace et corrompue. Elle va avoir deux entretiens très durs avec Napoléon III, dramatiques même. On va entendre ses cris dans tous les couloirs des Tuileries. Napoléon III va lui répondre inlassablement, plus un écu et plus un homme pour le Mexique. Et elle-même va sangloter, prendre des crises de nerfs et hurler, mais alors vous nous abandonnez, nous sommes perdus, nous allons mourir. Et Napoléon III, très ennuyé, est obligé quand même de faire des choix. Et lui-même sait bien que il faut commencer à préparer la France à un conflit qui s'annonce de plus en plus inévitable avec la Prusse. Alors, qu'est-ce qui lui reste comme ultime recours? Comme elle est une catholique très pratiquante et réputée, elle va aller voir le pape Pie IX. Le pape Pie IX est encore un souverain temporel à cette époque. Les états pontificaux montent jusqu'au nord de Bologne. Et il a une petite armée, mais je voudrais pas être mauvaise langue en disant que c'est une armée d'opérette, mais disons que c'est une armée de représentation. Il n'est pas taillé pour monter une expédition lointaine au Mexique. Et je suppose que Juarez, en apprenant cette démarche, a dû s'écrier, comme le fera Staline 80 ans plus tard à Yalta, « Le pape, combien a-t-il de divisions ?» Ainsi, elle prend une crise de nerfs encore plus forte que les autres, on est obligé de l'emporter, elle s'évanouit et tous ses espoirs sont donc anéantis. Et pendant ce temps, la situation se dégrade de plus en plus vite au Mexique et très courageusement, l'empereur Maximilien fait le coup de feu avec ses hommes, dort la nuit dans des fossés avec eux et son espace, l'espace qu'il contrôle, se rétrécit comme une peau de chagrin. Et finalement, il est capturé le 15 mai à Querétaro et avec d'ailleurs ses deux généraux, Miguel Miramón et Tomás Mejía. et toutes les puissances étrangères, comprenant bien qu'il est perdu, vont déployer une activité intense. Napoléon III, François Joseph, va même restituer ostensiblement et publiquement à Maximilien ses droits d'aînesse et de succession au trône, de succession au trône, pensant qu'ainsi, à partir du moment où il est susceptible de devenir un jour empereur d'Autriche, Juarez n'osera pas le supprimer. Mais Juarez le traduit devant un tribunal stipendié, devant un tribunal bidon, un tribunal stipendié sur ses ordres, et le malheureux Maximilien va être condamné à mort. Il a été très digne avant de mourir, il s'est écrié: un Habsbourg ne désertera pas le poste que la Providence lui a confié. Je pardonne à tous, que tous me pardonnent. Que mon sang soit répandu pour le bien de ce pays. Longue vie au Mexique. Et il va être exécuté le 19 juin 1867. Son exécution a inspiré un très beau tableau à Édouard Manet. Il se trouve au musée d'Orsay, si je ne m'abuse. Et vous voyez les trois condamnés. Maximilien est au centre avec son sombrero. Le général Miramon est à sa gauche, Le général Mejía est à sa droite. Et les trois hommes qui sont des frères d'armes s'étreignent par les mains au moment où la salve va les atteindre. L'impératrice Charlotte, en apprenant cette exécution sordide, a perdu la raison. On a été obligé de l'interner en Belgique, au château de Tervueren. Elle survivra plus de 50 ans à son mari, puisqu'elle mourra seulement en 1927, à l'âge de 87 ans. Et les cendres de Maximilien, à la demande expresse de l'empereur François Joseph, ont été rapatriées à Vienne dans la crypte des Capucins, où elles se trouvent dans ce cercueil de bronze qui est émouvant par sa simplicité et sur lequel on peut lire: Fernandus Maximilians, archiduc d'Autriche, élu empereur du Mexique 1832-1867. Ainsi finit cette triste équipé. Et si j'ai encore je vous rappelle simplement les faits que mon prédécesseur vous citait tout à l'heure, c'est-à-dire la visite de condoléances et de contacts politiques faite quelques semaines plus tard, car il fallait aller vite, par Napoléon III et l'impératrice Eugénie à Salzbourg. Ensuite, l'empereur François Joseph est venu clore avec Napoléon III la grande exposition universelle de 1867. Le rapprochement des deux empereurs n'a pu aller plus loin, faute de temps. Je n'ai plus que 30 secondes. Si Napoléon III avait soutenu François Joseph au moment de Sadova, peut-être François Joseph aurait-il soutenu Napoléon III au moment de Sedan. Et si les deux empereurs s'étaient accordés, la face de l'histoire aurait changé. Que n'eussions-nous pu faire si nous nous étions trouvés dans le même camp pendant la guerre de 70 et peut-être pendant la guerre de 14-18? Mais comme disait Rudyard Kipling, ceci est une autre histoire. Et je vous remercie de votre attention.